Lettre 12e, suite de la précédente, mardi 5 avril. Cette fâcheuse soirée d'hier continue à m'intriguer encore. Je viens de recueillir de Marie, à force d'instances et de plaisanteries, un dialogue des plus curieux. Vous serez d'abord surpris de ma vanité, mais je vous prie, mon cher monsieur, d'écouter jusqu'au bout sans vous impatienter. Cette conversation doit avoir eu lieu pendant que j'étais avec Madame Mirvan dans la chambre à jeu. Marie étant occupée à prendre quelques rafraîchissements, Mylord Orville s'approcha du buffet dans le même dessein. Il ne la reconnut point, quoique le remit tout de suite. Peu après, un jeune homme d'une physionomie éveillée vint le trouver en grande hâte et lui dit « Eh bien, Mylord, qu'avez-vous fait de votre belle danseuse ?»« Rien, » répondit Orville en souriant et haussant les épaules. « C'est, je vous jure, la plus belle créature que j'ai jamais vue. » Mylord se mit à rire et avec raison. « Oui, » répliqua-t-il, « elle est assez jolie, et surtout très modeste. »« Oh, Mylord, » s'écria cet extravagant, « c'est un ange. »« Un ange qui ne dit mot. »« Comment cela se peut-il, Mylord, avec une physionomie aussi spirituelle et aussi expressive ?»« Une petite idiote, » ajouta Orville en secouant la tête. Voilà qui va bien, sur ma foi, répliqua l'autre. Dans le même instant, cet homme odieux qui venait de me donner tant d'inquiétude se mêla de la conversation, et en s'adressant respectueusement à Mylord Orville, il lui dit « Je vous demande pardon, Mylord, si, comme j'ai lieu de le craindre, j'ai réprimandé tantôt avec trop de sévérité la dame que vous honorez de votre protection. Mais avec d'aussi mauvaises manières, vous m'avouerez qu'on peut pousser un homme à bout. » « Mauvaise manière !» s'écria mon champion anonyme. « Cela est impossible. Un minois comme celui-là ne saurait prendre un aussi vilain masque. »« Oh, quant à cela, » reprit-il, « je vous prie de vous en rapporter à moi, car malgré les égards que j'ai pour votre avis en toute autre chose, vous conviendrez, j'espère, et vous aussi, my lord, que je me connais un peu en bonne ou mauvaise éducation. » « J'ignorais entièrement, » répondit Orville d'un ton sérieux, quel pouvait être le sujet de votre mécontentement. Ainsi, je devais être surpris de la sortie que je vous ai vue faire. J'étais très éloigné, Mylord, de vous offenser. Mais une fille de rien qui se donne de tels airs, certes, cela n'était pas aisé à digérer. J'ai pris toutes les peines possibles pour savoir qui elle est. Personne ne la connaît. Oh, ce ne peut être, s'écria mon défenseur, que la fille de quelque curé de village. Ah, bravo! Sur mon honneur, je l'aurais deviné par ses manières. » Charmé de cette saillie, il continua ses éclats de rire, et il s'en alla probablement répéter ce prétendu bon mot dans le reste de l'assemblée. « Qu'est-il donc là-dessus ? » demanda l'autre inconnu. « C'est une ridicule affaire, » répondit Orville. « Votre Hélène a premièrement refusé ce fat et ensuite elle a dansé avec moi. Voilà tout ce que j'en sais. » « Orville, vous êtes un heureux mortel. » « Mais mal élevée, non, cela ne se peut pas, et ignorante, tout aussi peu, son regard spirituel dément ses épithètes. Je ne le déciderai pas, mais ce qui est certain, c'est que je me suis tué à la faire parler, et malgré tous mes efforts, soit innocence, soit malice, elle restait immobile sur sa chaise sans me répondre le mot. Puis, quand ce damoiseau est venu faire ses plaintes, elle a jeté un grand éclat de rire insultant, et elle semblait se divertir beaucoup de sa colère. « Oui, dame, Mylord, il y a de l'esprit là-dedans. Peut-être cela n'est-il pas encore défriché ?» Marie fut appelée à la danse et elle n'entendit pas la fin de ce beau dialogue. « Eh bien, mon cher monsieur, avez-vous jamais vu quelque chose de plus outrageant ? Petite idiote ou malicieuse, quels termes insultants ? Non. Jamais plus je ne serais tenté d'aller dans une assemblée. Que n'étais-je en Dorchestershire ?» Après cela, vous ne serez pas surpris que Mylord Orville se soit contenté de faire demander ce matin des nouvelles de notre santé par son domestique, sans prendre lui-même cette peine, comme Miss Mirvan s'y attendait. Mais c'est peut-être l'usage de Londres. Je ne voudrais pas vivre dans cette ville pour tout au monde. Je ne me soucie pas d'y rester davantage. Elle m'ennuie déjà. Je souhaite que le capitaine arrive bientôt. Madame Mirvan parle de l'opéra pour ce soir. Peu m'importe. Mercredi matin. Je me suis très bien amusé, presque malgré moi. J'étais sorti de fort mauvaise humeur, mais je ne pus résister au charme de la musique et du chant. Il convenait, on ne peut mieux, à ma situation actuelle. J'espère d'engager Madame Mirvan de retourner à l'opéra samedi prochain. Que nous donne-t-on tous les jours? Je ne connais rien de plus délicieux. Quelques-uns des airs m'ont fendu le cœur. C'était, à ce qu'ils disent, un opéra dans le genre sérieux. Le premier chanteur comique était malade. Ce soir, nous irons à Ranelagh. Si j'ai rencontré un de ces trois messieurs qui se sont si joliment égayés sur mon compte. Mais n'y pensons pas. Jeudi matin. Nous avons été à Ranelagh. Cet endroit me plaît. Il est illuminé avec tant de somptuosité qu'au premier coup d'œil je crus me trouver dans un château enchanté ou dans un palais de fées. Tout semblait tenir de la magie. J'étais à peine entré que j'aperçus Mylord Orville. Je perdis contenance, mais il ne me vit point. Après qu'on eut pris le thé, Madame Mirvan était fatiguée. Marie et moi, nous nous promenâmes seuls dans la chambre. Nous le vîmes une seconde fois près de l'orchestre où nous nous arrêtâmes pour entendre un chanteur. Orville me salua. Je lui rendis la révérence et je sentis que je rougissais. Nous jugeâmes bientôt à propos de nous retirer. Il ne nous suivit point, et lorsque nous repassâmes devant l'orchestre, il avait disparu. Nous le retrouvâmes plusieurs fois dans le cours de la soirée, mais il était toujours accompagné et il ne nous parla point. Seulement il me fit quelques inclinations de tête lorsque la bienséance l'exigeait. Je ne saurais déguiser que je suis très fâché de la mauvaise opinion qu'il a prise de moi. Il est vrai que c'est ma propre faute, mais cet homme est si aimable, si honnête, qu'en vérité il est humiliant d'être mal dans son esprit. N'est-il pas juste, d'ailleurs, de rechercher l'estime des personnes qui méritent la nôtre? Mais ces réflexions viennent trop tard. Il n'y a plus de remède. Quoi qu'il en soit, je renonce aux assemblées. On avait destiné cette matinée à voir les environs de Londres, à courir des encans, des boutiques, etc. Mais j'avais mal à la tête et je n'étais pas en train de m'amuser. Je restais donc au logis, et malgré moi, je laissais aller ces dames toutes seules. Elles sont la bonté même. À l'heure qu'il est, je regrette de ne pas les avoir accompagnées, car je ne sais que faire de ma figure. J'avais résolu de ne pas aller ce soir au spectacle. Je crois cependant que j'irai. Au fond, la chose m'est assez indifférente. J'ai mal fait. Madame Mirvan et Marie ont parcouru toute la ville et se sont amusées à merveille. Et moi, sotte que je suis, j'étais dans ma chambre à ne rien faire. Elles ont été à une vente publique dans Pall Mall, et elles y ont rencontré précisément ce Mylord Orville. Il s'est assis à côté de Madame Mirvan et lui a beaucoup parlé. Elle ne veut pas me dire sur quel sujet. Je ne retrouverai peut-être plus une occasion comme celle-là pour voir la ville. Je me vis bien du mal de n'avoir pas été de cette partie. Mais je mérite cette humiliation. C'était pur caprice. Jeudi au soir. Nous revenons du spectacle. On a représenté le roi Lear. Cette pièce m'a fort attristé. Nous n'avons vu personne de notre connaissance. Adieu, monsieur. Il se fait trop tard pour écrire plus longtemps. Vendredi. Le capitaine Mirvan est arrivé. Je n'ai pas le courage de vous rendre compte de son entrée, dont j'ai été choqué. Je n'aime pas cet homme-là. Il me paraît orgueilleux, bas, insupportable. Dans le moment même où on lui présenta Marie, il la railla sur la forme de son nez, et il l'appela une grande créature mal bâtie. Elle souffrit patiemment cette dureté. Madame Mirvan, avec sa bonté et sa douceur, méritait un meilleur sort. Comment a-t-elle pu l'épouser? Quant à moi, j'étais fort réservé. Nous ne nous sommes guère parlé ni l'un ni l'autre. Je ne comprends pas comment la famille pouvait-on se réjouir de son retour. Elles auraient dû être aises de le voir loin d'elles pour toute sa vie. Peut-être ne leur déplaît-il pas autant qu'à moi. En tout cas, elles font fort sagement de ne pas dire ce qu'elles en pensent. Samedi au soir. Nous avons été à l'opéra. Et je suis encore plus satisfaite que mardi. Si ce n'eût été le babil perpétuel de ceux qui étaient autour de moi, je me serais cru en paradis. Nous étions placés dans l'amphithéâtre. Tout le monde était habillé sur le plus grand ton, et si la représentation m'avait fait moins de plaisir, j'aurais assez trouvé de quoi régaler mes yeux. J'étais heureuse de n'être pas assise à côté du capitaine. Il n'est pas amateur de la musique ni du chant, et ses remarques sur l'un et l'autre objet était extrêmement grossière. Après le spectacle, nous entrâmes dans ce qu'on appelle le café. Les dames et les messieurs s'y assemblent indifféremment. On trouve dans cet endroit toutes sortes de rafraîchissements, on s'y promène, on y jase avec la même aisance que chez soi. lundi, nous verrons un ridotto, et mercredi, nous retournerons à Howard Grove. Le capitaine dit qu'il ne veut pas être enfumé plus longtemps des vilainies de Londres, qu'il s'est assez rôti au soleil, qu'il lui faut l'air de la campagne pour s'y dorloter à son aise. Adieu, mon cher monsieur.